2. Le couvent des Capucines. Elle y pensait beaucoup à cette sœur absente. Lire ses lettres, c'était se croire près d'elle, à parler bas. Et les jeunes filles aiment beaucoup à parler bas. Mais à ces lettres causeuses, la voix manquait. Et l'âme d'une femme est plus dans ses accents que dans ses paroles. Ondine alors écoutait sa mémoire, oiseau moqueur qui ne retient bien que les voix qui font pleurer. Et ce n'était jamais sans quelques larmes que se passaient les jours de fête, car elle les consacrait à lire et à répondre, à s'examiner pour rendre à sa sœur un compte pieux d'elle-même. C'était le seul confesseur mortel devant lequel son cœur pur s'ouvrit tout entier. Pour rendre ce compte en toute candeur comme à Dieu, elle se regardait passer et vivre. Elle signalait ses fautes quand elle les voyait, sans fausse honte, mais avec une sincérité sérieuse. Monsieur Léonard avait dit de cette orpheline qu'elle ressemblait aux salamandres qui vivent dans le feu, où les enfants les jettent pour les voir souffrir. Et ce bon monsieur Léonard, pour émousser la sensibilité qu'il redoutait en elle, jouait souvent à son issue le rôle des petits bourreaux innocents, qu'il aurait sermonné de toute sa fervente éloquence, pour sauver la salamandre de leur curieuse expérience. Elle ne souffrait jamais, décidément. Toutefois, bien qu'elle pleurât souvent, tout le monde pleure. Elle était contente quand elle ne voyait souffrir personne, et sinon, pour aller où sa sœur la tirait. Elle n'eût pas fait un pas dans la vie pour avancer ou pour changer de place. Mais elle n'en laissait pas éclater l'innocent désir, dans la crainte d'effrayer son oncle, pour qui une barrière de Paris à franchir était comme une traversée aventureuse ou un aérostat. Elle s'asseyait des heures entières, durant les belles et oisives journées, qui, selon l'expression du peintre, fermaient l'atelier à la gloire. Elle se figurait sa jeune aînée errante au bruit des sources qui avoisinaient sa maison, et versait jusqu'à sa porte une silencieuse fraîcheur, qui humecte la vie et la prolonge. Monsieur Léonard, de son côté, allait, disait-il, au Louvre boire de la peinture, en effet sa seule et chère ambroisie. De tous les monuments de Paris, il n'en connaissait bien qu'un seul, le salon de peinture. Il le savait par cœur, comme sa chambre. Il y fut allé les yeux fermés, sans faire un faux pas. Il lui mit la main à coup sûr dans l'obscurité la plus profonde, sur quelque tableau que ce fût, de Raphaël ou de Rubens, et il l'eut baisé. Dans cette immense population qui se presse et s'agite, il n'avait de lien qu'avec une nation distincte de toutes les autres, celle des peintres. Il continuait depuis 20 ans à recevoir dans son atelier plus d'élèves qu'il n'en pouvait contenir. Comme un Anglais qui passe reconnaît un Anglais dans une ville étrangère, comme un malheureux qui a des larmes sous le front, devine dans la foule celui qui pleure souvent dans l'âme. Monsieur Léonard, artiste né, jeté au monde pour adorer la nature et la peindre, sentait en quelque sorte dans la rue les hommes imprégnés du parfum de la peinture, et tous ceux qui en vivent ou qui en meurent. « Voilà un peintre, disait-il à sa nièce. Vous le connaissez, mon oncle ? Non, mais vous allez voir. » Il saluait alors d'un air grave, bienveillant et original, qui frappait à son tour le passant. On s'absorbait, l'entretien s'engageait dans cette langue à part de toutes les langues parlées de nos jours, et il était rare que de telles rencontres n'augmentassent pas ce qu'il appelait sa famille, sa sublime, son humble famille. L'atelier nu d'ornements et de meubles superflus ne s'agrandissait pas à mesure qu'on l'encombrait de cartons, de plâtre, de chevalets et de mannequins. La muraille un peu humide, ravivée tous les 2 ou 3 ans d'une couche épaisse de couleur grise, nuancée çà et là, par la fraîcheur régnante de l'atmosphère, montrait pour tout luxe le portrait de Raphaël. Celui de la mère de monsieur Léonard, ou quelques traits de la jeune Ondine, se révélaient sous l'immense bonnet flamand de sa grand-mère. Et puis des mains modèles, les pieds ailés du mercure, des bras d'enfant moulés sur nature, une tête de bord et un cadre au papillon. Cet espace de 20 pieds carrés, oublié, debout encore sous la destruction du vieux cloître des Capucines, tombant sous les marteaux actifs d'un riche propriétaire, servait de ruche ou de Vatican à quelques brûlants éphémères, nés de cette flamme qui avait immortalisé et tué Raphaël. Et la jeune Flamande, amoureuse de cette propreté luisante qui régnait au foyer de sa mère, accoutumée en naissant à l'ordre silencieux et calme d'un ménage du Nord, troublée d'abord au milieu de toutes ces abeilles confuses, s'en était doucement fait reine, et préparait sans bruit à toutes une place pour broyer et composer leur miel. Les ingrates, contrariées dans leur désordre, criaient à la tyrannie. Ondine faisait la sourde oreille, y régnait rangeuse et modeste. Le sourcil froncé de mademoiselle Élisabeth lui était aussi d'un grand secours. Mademoiselle Élisabeth, chargée des soins intérieurs du ménage, était comme une puissance voilée qui apparaissait seulement au jour d'émeute, d'agitation et de poussière. Sa présence inattendue glaçait les clameurs des criards. Elle jetait de l'eau sous leurs pieds, balayait près d'eux, derrière eux, devant eux, puis remontait satisfaite et grave, tenant en main son balai comme un soldat à ses armes. Elle était si bonne, cette Élisabeth, si remplie de bon sens, d'entêtement dans ses devoirs, frugale, active, intègre, attachée à ce toit tremblant d'un pauvre artiste, et fière d'y bien remplir sa place, pour mériter celle qu'elle attendait dans un monde où les toits du pauvre ne tremblent plus. Il fallait qu'à l'insu des écoliers mutins, elle eût pris sur eux un grand empire, car ils ne s'apercevaient pas qu'elle fût un peu bossue pour en rire. Ils avaient du respect pour elle, pour son infatigable balai, et ils l'appelaient tout bas le ministre de l'arrosoir. Mais bien des abus glissaient sous sa vigilance. Un châle à peine déployé 6 fois depuis la noce de la sœur d'Ondine, châle bleu, tramé de soufre et de blanc, qui ne laissait dans l'esprit de la jeune fille aucune place à l'admiration pour les cachemires qui tapissaient de leurs riches rosaces les magasins de la rue Vivienne. Ce beau châle qui rompait seul l'uniformité de la teinte grise de son horizon figurait depuis 6 mois sur un mannequin habillé à la juive pour un tableau de la bénédiction de Jacob, et son tablier de mousseline à fleurs sombres était tourné en turban sur la tête de Lantinous, dont on allait faire un grec moderne. Ondine avait déclaré plusieurs fois l'impérieuse intention d'en secouer la poussière. Mais les élèves, M. Léonard lui-même, poussaient des cris et le tissu frêle et bleu continuait d'être mangé au vert. C'était le seul incident qui attrista un peu les yeux sereins de la jeune artiste, quand il tournait autour de cet obscur musée comme autour de son univers. L'atelier, jusqu'à nouvel ordre, était dans un long corridor de l'ancien couvent des Capucines, labyrinthe où ceux qui l'habitaient encore finissaient par se perdre quelquefois, comme les étrangers qui venaient les y chercher. On ne se retrouvait souvent qu'en s'appelant à voix haute, parmi les murs écroulés ou pendants de ce vieux monastère. Quelques cellules étaient demeurées intactes, mais elles s'entouraient par degrés de tant de débris et de poutres chancelantes. Ils tombaient à chaque heure de si hauts murs, avec un fracas si lourd et si menaçant, que sans la sécurité profonde de M. Léonard, qui ne s'arrêtait jamais de peindre durant ces craquements destructifs, sa nièce eût pris la fuite avec épouvante. Souvent, elle regardait indécise, mais voyant l'immobile sang-froid qu'il enchaînait à sa place, elle dessinait à la sienne, sans y penser plus que lui. Il y a tant de sécurité dans la confiance que nous inspirent nos parents. Ils savent tout, ils étaient au monde avant nous. Tant que Giraudet peindra au-dessus de nos têtes, disait M. Léonard, comme répondant au regard inquiet de sa nièce, de quoi voulez-vous que je m'alarme ? Je ne ferai pas un pas avant lui pour chercher un atelier. Vous ne savez pas comme c'est effroyable de chercher un atelier. Transporter un monde d'objets, ma boîte à couleurs, pleine d'huile, mon cadre aux papillons, bouleverser toute une existence. On s'imagine que c'est la moindre chose au premier coup d'œil. Mais voyez, Giraudet, s'il bouge. Et très certainement, je ne me séparerai d'un tel voisinage qu'à la dernière extrémité, au dernier cri de détresse. Mais vous n'y montez jamais, mon oncle, et jamais M. Giraudet n'entre ici. Qu'importe, ne sentez-vous pas tout ce que son approche a d'inspirateur? Je vous conseille, ma chère amie, de respirer cet air-ci, de toutes vos forces, et avec orgueil, puisqu'il le respire. Il roule une foule de petits tableaux, qu'il ne tient qu'à vous d'exécuter pour le salon. Mais en considération de votre âge, je ne vous en demande qu'un. C'est bien raisonnable de ma part. Grand Dieu, si j'avais le temps de faire autre chose que le portrait, peintre de portrait. Il en pleut, il est vrai que Van Dyck occupe une certaine hauteur dans les arts. Avec les siens, car il y a, dit-il en regardant le portrait de Van Dyck lui-même, je ne sais quelle science harmonieuse, qui contente l'ignorant et l'artiste qui sait. Le modelé des formes y passe et tourne comme dans l'air et le jour. Cette tête flotte au milieu du vide, ce vide, remarquez bien, qui n'est pas creux comme une boîte et noir comme une étoffe tendue. Vous, petite, quel est le peintre qui vous dit quelque chose à l'oreille? Ne cherchez pas trop afin de ne dire que votre pensée. Prudent, mon oncle. Rien que cela, dit M. Léonard avec un sourire approbateur, je vous en fais mon compliment pour une pauvre petite flamande, simple comme bonjour. Vous n'avez pas l'instinct très vulgaire. Et peut-on savoir pourquoi vous l'aimez? Ah, parce que je l'aime, mon oncle. Parce que ces tableaux ravissent mes yeux et qu'il me semble que quelque chose de triste parle au fond. Je ne me connais pas, au reste. Enfin, vous l'aimez d'instinct, cela veut dire que vous l'aimerez toujours. Tant mieux pour vous. Vous m'avez pourtant fait frémir quelquefois quand je vous posais en face de tel ou tel chef-d'œuvre. dans le désir de vous récompenser d'un œil ou d'une oreille passablement obtenu, quand j'attendais un cri d'admiration qui m'eût rendu le plus heureux des hommes, comme votre maître et comme votre oncle, vous me disiez la chose la plus écrasante, la plus bourgeoise, la plus inattendue, une de ces choses qui cassent bras et jambes, et vous en avez beaucoup apporté de province dans vos petites poches, car vous portiez des poches, ma chère amie. Mon oncle. Ou bien c'était un silence vide et effrayant pour quelqu'un qui guettait votre avenir dans un regard et dans vos premières impressions. Pauvre Ondine, que vous m'en avez dit de cruel. Oh, mon oncle, je ne disais pas tout ce que je pensais, mais souvent, si j'avais osé. Oui, par soumission, et pour être une bonne fille, vous m'auriez fait des compliments, comme un petit garçon qu'on m'amena un jour pour sonder ses dispositions sur la peinture, et à qui sans doute on avait recommandé d'être bien honnête. On le guettait aussi, le pauvre innocent, comme il le fait sur le feu. « Monsieur, me dit-il enfin pour dire quelque chose, en regardant je ne sais plus quoi, est-ce un homme ça ou un cheval ?»« C'est un homme, mon petit ami. Ah, c'est bien fait. Vous étiez de cette force, mais enfin votre bandeau ne me paraît plus si épais. Et je ne jurerais pas que j'y rôdais, bien qu'à travers le plafond, n'y soit pour quelque chose. Quand de tels fronts se coulent auréoles, il en tombe des étincelles. Tendez votre tablier, mon enfant. Les femmes ne seront jamais que des glaneuses. » Mais leurs bras faibles ont de la grâce et on leur pardonne, parce qu'ils ont l'air de prier. Songez bien, vous m'écoutez toujours, n'est-ce pas ? Toujours, mon oncle, dit Ondine en relevant la tête, avec les sentiments de l'attention et du respect. Au reste, vous avez bien raison de m'écouter, car c'est dans votre intérêt que je parle quelquefois un peu trop longtemps. Songez à la scène du déluge, à cet admirable fragment de la colère de Dieu. Bien que vous trouviez l'homme trop laid pour avoir épousé de son consentement cette belle créature qui se noie, idée d'une folle enfant, pour laquelle on devrait vous mettre en pénitence. Un jeune garçon ne l'eût jamais eu. Mais vous autres demoiselles, vous ne rêvez que mariage d'inclination, même du temps du déluge. Non, mon oncle, mon Dieu, non. C'est qu'il a une expression affreuse. Ne voulez-vous pas qu'il sente craquer l'arbre qui le soutient sur l'abîme, et qu'il fasse un sourire? Qu'il emporte son père, dont le poids est énorme, comme celui de tous les vieillards, et qu'il soit agréable, placide et rose comme aîné, qui enlève tranquillement son père aussi, lui comme s'il n'enlevait rien, ce qui m'a toujours un peu étonné dans un chef-d'œuvre, mais ce qui s'explique du moins par l'assistance d'une grande déesse qu'on ne voit pas, et qui a beaucoup aimé le père d'aîné. Oh, je ne l'aime pas, mon oncle, il ne s'inquiète pas plus de sa femme dans le feu que l'autre de sa femme dans l'eau. Diable, mademoiselle, vous voulez de la galanterie jusque dans les selles d'inondation? Mais mon oncle, sa femme... C'est bon. On va bien penser à une femme quand on porte son père et qu'on a devant soi une immense étendue d'afflictions et de scènes sublimes qu'on ne reverra plus. Quant à moi, ce qui m'eut le plus occupé, je crois, après ma mère, observa-t-il en s'inclinant avec respect du côté du portrait de femme habillée à la flamande, c'eût été de courir à ma palette pour arrêter autant que possible quelques-uns des effets d'une scène si grande et si peu redite. Sur cet homme, sous cet homme, les teintes sont molles et ternes, et ne précise ni jour, ni nuit, ni pluie, ni soleil, ni rien. Elle rappelle ce vœu d'un paysan las, d'une atmosphère étouffante qui s'écriait « Ah, pour un temps pareil, j'aimerais mieux qu'il n'en fît pas. » Il n'en fait plus, la terreur qui nage dans cette scène est bien faite pour crisper l'homme, qui en conçoit et en supporte toute l'horreur. Giraudet a donc très bien fait de laisser cette pauvre et belle femme s'arranger comme elle peut avec le petit enfant, qui s'attache à ses beaux cheveux mouillés, comme au câble de salut. Et l'autre qui veut téter encore, sans se douter que ce n'est plus la peine et que l'on va mourir. Mais d'où vient, mon oncle, hasarda timidement l'écolière, que cette triste mère n'a pas un trait ému ni souffrant, tandis que l'enfant l'a saisie avec tant de violence par sa chevelure renversée? Mes cheveux me font mal en regardant. Le calme de cette mère me surprend. C'est qu'elle est mère d'abord, ma chère Ondine, et que vous n'êtes qu'une petite fille douillette, qui pousseriez des cris si l'on touchait vos tresses pour s'en faire un cordage. En second lieu, c'est qu'elle est morte, et déjà peut-être dans le ciel où l'on ne souffre pas du tout. Je le croirais d'autant mieux qu'il n'y a plus rien de terrestre dans ses formes, et on sait que la mort ennoblit la laideur. Jugez de la beauté jeune et dans sa fleur, comme celle de cette mère. Quelle chasteté sur ce sein nu! Raphaël n'a pas été plus pudique avec ses vêtements pleins de mystère que Giraudet sans voile. Quoi qu'il en soit, ce coin de déluge et Atala, autres scènes immortelles de la mort ont été créées là-haut. Je n'entends pas le soir le pas du maître qui médite et travaille à la lampe, sans un frisson d'espoir et de respect. ne donneriez-vous pas tout au monde pour le rencontrer ?»« Moi, mon oncle ?»« Oui, vous. Et vous avez juste l'air de me répondre « mon oncle ». Cela m'est égal. » »« Quelle singulière personne !»« Un caillou lisse au bord de l'eau. » »« Un feston de lilas qui s'échappe des murailles du boulevard. » »« Un mouton qui passe dans la rue. » »« Vous font tressaillir. » »« Et la vue d'un grand homme vous laisse droite comme une flèche. » »« Pas la moindre émotion. » C'est pour vous une chose simple. » Ondine le regarda sans oser ou sans trouver rien à répondre. « Vous ne l'avez donc jamais rencontré ?» reprit M. Léonard après un de ses longs repos. « Qui, mon oncle ?»« Comment, qui parbleu ? Giraudet, dont nous parlons depuis une heure. » « Ah, pardon, non, mon oncle, jamais. » « Au fait, Paris est comme cela. On est, on vit, on meurt dans le même corridor, sans quelquefois s'être rencontré ou demander l'heure, ni donner l'eau et le feu, comme dans nos bons voisinages du Nord. » qui forme presque une parenté. Et là, on rencontre bien rarement son prochain dans Paris. Mon pauvre frère, qui ne l'aimait pas, avait bien raison de l'appeler un désert splendide. Sans le salon de peinture, j'y serais mort d'isolement. Cette existence désassemblée les uns des autres m'a jeté jadis dans une si grande tristesse. Veuf que j'étais de ma chère province, où chacun se connaît et se dit bonjour. Je me croyais un être tellement abandonné du ciel et des hommes, au milieu de toutes ces portes mystérieuses, froides et sans clé, que le mal du pays me mit à deux doigts du tombeau. J'aurais donné Paris et mon prix de peinture pour entrevoir le bonnet blanc et plissé de ma mère, pour entendre monter du bas de l'escalier humide la voix de mon frère Félix. Mon pauvre frère Félix, allons, voilà que vous pleurez encore maintenant. On ne peut rien vous dire. Vous voyez cependant que je me porte très bien et que j'ai pris mon parti là-dessus, « comme sur tant d'autres, » ajouta-t-il en étouffant un soupir qui l'interrompait malgré lui, et qui le fit retomber dans un silence plus long que tous les autres. Une nuée d'élèves, qui entrèrent presque tous à la fois, donna bientôt un autre cours aux idées de M. Léonard. La sérénité ne tardait jamais à reparaître sur son front, quand il avait autour de lui tous ses jeunes amants de la peinture. Il semblait qu'il n'eût jamais eu lui-même d'autres maîtresses. Si quelques confidences d'amour, durant l'absence d'Ondine, circulaient dans l'atelier, il n'avait pas l'air d'entendre, seulement il regardait ses élèves avec un sourire d'une indéfinissable tristesse, et il disait comme avec distraction « Ah, mon Dieu, de quoi parlez-vous là ? Prenez garde, messieurs, vous m'avez l'air de jouer avec du feu !» Et sa bonhomie mélancolique faisait rire ses enfants, qui se faisaient hommes et qui n'avaient pas peur. À cette humble école, les riches ne payaient pas plus que les pauvres, c'est-à-dire qu'il ne payait pas du tout. Par cela même, il y régnait un ton de concorde et d'égalité qui se tournait en respect pour le maître, auquel il ne voyait qu'une belle passion, la gloire. Toutes ces jeunes têtes en brûlaient comme la sienne, et dans ce coin obscur du monde, on ne respirait que l'amitié, le désintéressement et l'enthousiasme. « Enfin voilà !» s'écria tout à coup l'écolier Rodolphe au milieu d'une méditation générale, en respirant jusqu'au cœur comme quelqu'un qui sort d'un péril. Cette exclamation fit retourner tout le monde vers lui. On se groupa autour de son travail. La tête du grec moderne était finie. Ondine aussi cria « Enfin !» pour son écharpe qui était reproduite au naturel et qu'elle allait reployer avec soin. L'admiration devenait unanime et bruyante quand M. Léonard vint jeter l'huile ou l'eau sur ce bruyant feu de paille. Rodolphe, inquiet, connut son sort quand il vit le bon peintre plonger son regard à demi fermé sur cette tête, objet de l'extase générale, puis s'en retourner silencieux et grave, comme s'il eût dit « Je n'ai rien vu, hélas, il n'y a rien là ». Tous l'imitèrent, tous s'en retournèrent muets, la tête basse, reprendre un peu étonné, leur dessin interrompu. Le triomphateur descendu de sa joie et de son char, effaça consterné, mais sans se plaindre, ce qu'il avait considéré peut-être comme un pas vers l'immortalité. Ce silencieux empire du plus indulgent des hommes portait quelquefois chez sa disciple le découragement jusqu'aux larmes. Par le regard sans chaleur qu'il détournait avec un peu de chagrin du travail qui lui était soumis, on se sentait atteint et convaincu de médiocrité, idée amère pour ceux qui s'accoutument au voisinage et à la contemplation des chefs-d'œuvre. À force de les admirer, on se familiarise avec eux. On n'échappe pas toujours à l'espérance d'en créer au moins un. Quel est l'innocent barbouilleur qui n'a pas dit une fois dans sa vie « Voyons donc si Raphaël est tout à fait mort. » L'agreste Ondine elle-même, au fond du sommeil apparent, où son maître la croyait plongée, avait aussi ses émotions ambitieuses. Dès qu'elle était seule au chevalet, les chaînes de son intelligence tombaient. Son indolence s'éveillait, ses yeux osaient s'ouvrir tout grands. Elle n'avait plus peur, Elle croyait peindre pour l'avenir, et pour l'avenir reconnaissant. « Je ne le dirai pas à mon oncle, pensait-elle, il rirait. C'est pourtant bien sérieux, la vie, quand on pense où elle doit nous conduire, ou le ciel, ou quoi donc ?» Et sa toute jeune figure se couvrait alors d'une gravité pensive, qui devait faire craindre, en effet, qu'une telle enfant ne prît la vie trop au sérieux. Elle se rappelait avec quelque confusion qu'en arrivant de sa province du Nord, elle avait égayé son oncle et ses amis par son inexpérience des arts. Un jour, qu'en entrant au salon de peinture si brillant, si tumultueux durant l'exposition, et si nouveau pour ses regards éblouis, qu'elle avait perdu la respiration, se demandant tout bas si elle entrait en paradis. C'était alors que revenait de Rome une femme citée naguère pour la grâce et la légèreté de sa danse, quand tout Paris, le Paris qui danse, qui vit de musique, de fêtes et d'idoles, quand tout ce Paris-là se précipitait chaque soir autour de ses poses légères et des pas innovés par elle dans cette carrière presque aérienne, où elle voltigeait, dit-on, élégante et fluide comme l'enfant divin de Prudhon. Déjà, quand la petite Flamande aux lèvres rouges, entr'ouverte d'ignorance et de curiosité, entra tremblante dans le sanctuaire majestueux des arts, on ne se demandait plus « Avez-vous vu danser, mademoiselle Lescotte ?» mais « Avez-vous vu les tableaux charmants de mademoiselle Lescotte ?» Le baisement des pieds à Rome, le condamné à mort, la spirituelle traduction du meunier et son fils, et puis enfin la prière pendant l'orage, mademoiselle Lescotte. Et ce nom, ailé, plein de grâce et de gloire, bruissait partout aux oreilles timides et attentives d'Ondine, tandis que la foule, tourbillonnant toujours, l'emportait à demi étouffée devant ces tableaux qui intéressaient tant d'yeux et tant d'âmes, et venait d'inscrire un nom de femme parmi les lauréats de l'école française. Ce souvenir brillant passait quelquefois devant elle. Il la faisait frissonner et sourire quand, retirée comme elle était alors, derrière un immense paravent, qui lui servait de cabinet d'études, elle cherchait déjà dans le passé quelque espoir pour appuyer son vague avenir. Un nouveau tumulte dans l'atelier suspendu tout à coup son travail et son rêve.